Dans une conférence, on parlait des dieux. Un des règlements, un des phénomènes intéressants que les dieux vont amener, ça va être croissez et multipliez-vous. Ah, ça, non, tu déformes la parole. C'est aller à Croatie et multipliez-vous. Il reste beaucoup de monde là-bas. Bon, aller en Croatie et multipliez-vous. Quand l'humain a une relation sexuelle, non seulement il brûle sa vie, en plus, il sécrète énormément, et c'est donc émotivement au niveau hormonal, c'est extrêmement nourrissant pour les dieux. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. En tout cas, humainement, physiquement. Moi, d'ailleurs, j'aurais eu beaucoup plus de facilité à prier pour une déesse que pour un dieu. Pourquoi tu veux prier? Premièrement, parce que plus tu vas créer d'enfants, plus tu vas créer d'alimentaires pour les dieux. De ce fait, les religions vont être contre les moyens de contraception. C'est pas une question de logique humaine. Il y a des pays où ils peuvent plus vivre, faire vivre les enfants. Les religions vont dire, ça, c'est pas une raison. Oui, mais laisse que l'enfant, s'il peut pas, il souffre, s'il souffre, il nourrit Dieu. Mais laisse comme ça va, pourtant, les religions, on dit que quelqu'un qui est religieux, souvent, va être pogné en ce qui a trait à la sexualité. Bien, un religieux, normalement, devrait garder ses énergies pour lui. Donc, normalement, les religieux, dans la majorité des religions, n'ont pas le droit. Ils doivent être chastes. Et chastes, c'est souvent relié à pur. Chaste et pur. Il reste à voir, évidemment. Est-ce qu'on peut être pur, même si on n'est pas chaste? En tout cas, c'est pour la question pour toi? Quelqu'un que je connais. Non, un bon ami. J'ai beau temps à pas répondre. Il y a des questions quand on répond, on se fait des ennemis. Qui peut pas être ici ce soir, la conférence. Oui, c'est ça, il est pas là, il est pas là. Moi, en plus, ton chum est pas là, c'est ça. Ouais. Ça vous mais j'y aurais dit. J'ai ramené la cassette. Posez la question tout seul, les prochains. Bon, ça amène des pertes d'énergie. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Moi, on connaissait le tantriste qui vantait, au contraire, que c'était un moyen d'évoluer par la sexualité avec, bon, certains rites. C'était-tu réel, ça? Oui. L'évolution, c'est l'émancipation de la conscience de l'âme par l'expérience. Alors que la conscientisation, c'est l'émancipation de l'intelligence de l'être humain sans l'expérience. Un être qui évolue, met sa main dans le feu, crie « out », ôte sa main du feu, puis là, il sait que le feu, ça brûle. Il évolue. Il devient sage. Un être qui est conscient, mais pas sa main dans le feu, pas parce qu'il sait que ça brûle, il met pas sa main dans le feu. Lui, il n'a même pas besoin de savoir que ça brûle, il met pas sa main dans le feu. Un être conscient, quand il regarde un champignon toxique, un champignon qui ne l'est pas, puis il a faim, il prend le champignon qui n'est pas toxique, puis il mange. Il ne sait pas que l'autre est toxique. Il n'a pas besoin de savoir. Un être qui évolue, ben un peu par exemple, tu vas attendre que l'autre goûte. Parce que... l'expérience. Alors, au niveau de... Il faut en faire manger juste la moitié. Parce que s'il ne meurt pas, je veux l'autre moitié. Alors, s'il meurt, alors... Et c'est une demi-heure plus tard. Ça, il peut se réveiller mort un matin. Mais là, ce qui est intéressant, c'est donc, c'est qu'au niveau du tantrisme, par exemple, c'est que l'être humain, originalement, il devait... L'émancipation de ses centres énergétiques se faisait seul montant vers le cerveau. C'est-à-dire que l'être humain devait faire circuler son énergie du bas vers la tête par le biais de la colonne vertébrale. Depuis quelques centaines d'années, c'est à partir du centre coronal, donc de la tête, que l'énergie descend vers le corps, donc vers le Mooladhara chakra, ce que lui-même appellera le chakra sexuel, mais qui n'a rien à voir avec le sexe. Et donc, depuis quelques centaines d'années, l'énergie devra circuler de la tête vers les pieds. Disons vers le bas. OK, concrètement, ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui pratique le tantrisme, il n'est pas dedans, là. Ben, il reste en vie, mais non. Mais ça, c'est inutile. Il n'est pas dedans du tout, c'est-à-dire que s'il avait vécu là, 30 000 ans, là, ce serait intéressant. Mais c'est où que ça? Oh, ben, ça a été ramené après. Mais 30 000 ans, le tantrisme, c'est possible. T'en souviens pas, bien? Pas beaucoup. C'était pourtant un grand... tantrique. C'est venu, là, 12 000 ans, 7 000 ans, c'est venu à travers le temps. Puis, évidemment, c'est venu encore... Non, le tantrisme, c'est une mécanique qui fait brasser les énergies, qui amène des sécrétions endocriniennes, c'est intéressant. Ça te permet des voyages astraux, ça te permet différentes déconnexions, ça te permet des contacts avec les vies que tu vis actuellement dans le passé, que tu mets pas droit à la vie antérieure. Ça te permet une expérience extraordinaire dans certaines mécaniques de l'astral, mais ça ne t'amène pas à la conscientisation. Mais il y en a qui vont trouver ça extraordinaire, toi tu viens... Bien, bien évident, tu fais un voyage astral, tu envoies des places, c'est génial. Tu restes un être de souffrance. C'est pas tant triste que ça, là. Non, effectivement, c'est pas tant triste que ça. Pour certaines personnes, c'est très plaisant. Mais les yeux... maintenant, ça porte de la tête vers les pieds, alors qu'avant, ça portait des pieds vers la tête. On parle pas de la sexualité. Non, mais la sexualité, ça porte de l'homme vers la femme. parle de l'intelligence. Tout ce que je veux dire, c'est que de toute façon, le plus, où ça va prendre le plus temps d'arriver, c'est au milieu du corps encore. Que ça parte d'en haut ou d'en bas. Fait que l'intelligence, c'est là qu'elle arrive en premier. On parle pas d'intelligence, on parle d'énergie surtout. Ben, de l'énergie va finir par amener l'intelligence. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est encore le point, en tout cas, là, je vais parler toujours d'une chambre qui n'a pas vu venir, mais... Le point le plus faible, on dit que l'homme est mené par le bout du nez. Moi, je suis pas sûr que c'est le bout du nez. Ben, c'est ça. Parce que l'humain, c'est vrai que c'est aussi grand que son nez. L'humain, le nez, donc, un grand. Le nez sert pour. Mais l'humain, certains disent, les femmes sexologues, en tout cas, disent que l'humanité est menée par le sexe. Les femmes sexologues. Par le bout du nez, c'est la même affaire. Hein. Ce qui est effectivement très dommage sur la planète Terre, c'est que la majorité des véhicules corporels sont finalement des animaux humains. Dernièrement à la radio, il y a une femme, une sexologue, qui demandait aux hommes qui étaient là, combien de temps, en pourcentage, combien de pourcentage de temps passez-vous par jour à penser au sexe? Elle estime que 90% du temps qu'elle vit, ils pensent au sexe. Puis ceux qui disent que c'est pas vrai, es-tu marié? Es-tu marié? Un sexologue en tout cas. Ouais. Et puis là, les hommes qui sont là, en plus, sont d'accord. Une chance que moi, je n'étais pas là parce qu'ils auraient interné. Mais sont-tu d'accord parce que c'est vrai ou parce que c'est de bon ton d'être d'accord? Bon, ça, c'est toute une question intéressante, là. Mais c'est pour voir que... C'est vrai. Finalement, c'est vrai. Bon, non, le parce problème, que ça, c'est ça, qu'effectivement... Ça fait macho, là. Ça fait prétentieux pour un homme de dire qu'il est capable de penser à ça. D'ailleurs, peut-être qu'il peut juste y penser 90% du temps. Oui, mais en fait... Encore. Mais t'as juste à mettre... Non, il n'est pas venu. Non, je commence à être content pour lui que c'est pas venu. Oui. Mais t'as juste à avoir un homme normal, on parle d'un homme normal. C'est quoi un normal? Un homme normal, ben... Un animal, là? C'est ça, un animal. Non, c'est pas moi. Ah, okay. Alors, tu vas le mettre... Et aussitôt qu'il y a une femme, quelque chose qui va y faire penser à une femme, et c'est la sexualité qui va venir le temps. Tout, imaginez-vous quand un homme est même capable d'avoir une érection devant une photo. Non, je peux le faire. Oui, c'est ça. Mais par quelle particule d'encre est empêchée un papier? Tu sais, et il regarde ça, là, puis il s'amuse. Il s'amuse, c'est Playboy. Mais, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il est très, très charriable, ça. Ben, il voit un arbre, il voit un nuage, il voit... Bon, en tout cas, apparemment. Mais c'est sûr que l'homme est endocrinalement malchanceux. Il est bâti pour courir après les femmes. Puis les femmes, eux autres, sont physiquement malchanceuses. Ils sont pas vite à la course. Ils se font rattraper. Oui. Ouais, mais ça fait peut-être leur affaire aussi. Ils vont chercher une certaine valeur là-dedans. Oui. Mais les gars sont bien différents, par exemple. Ils courent plus vite, ils mettent des jupes plus courtes, mais c'est pire. Effectivement. Ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris le principe. Il y a un homme un jour qui inventait un costume de bain très très petit. Un petit un mouchoir attaché. Et puis c'est à l'époque où ils ont essayé une bombe nucléaire sur l'île de Bikini. Puis le gars s'est dit ça va faire à peu près le même effet. Fait qu'il a appelé ça un bikini. Ça n'a pas fait d'effet du tout, ça n'a pas marché. C'est sorti qu'il faisait 20 ans après. Puis après, ça a fait un peu d'effet. On est rendu au monokini, puis il y a eu la mini-jupe, la micro-jupe, la tout-nu-jupe, c'est bon, en tout cas. L'être humain, comment l'être humain va-t-il? Il faut comprendre des petites choses avant de parler de sexualité, parce que l'humain, c'est pas c'est quoi le sexe. Anatomiquement, il y a des idées, là, mais... L'homme, la femme... Biologiquement, l'homme, il a un corps qui est positif, c'est-à-dire, on va dire masculin, donneur. Alors, biologiquement, on sait très bien que le mâle a un corps physique qui s'adapte bien dans le corps de la femme. Bon, en tout cas, si vous savez pas ça... Jusque-là, ça va. Et que l'homme est donneur en ce sens que le sperme vient de lui et que c'est l'homme qui va finalement déterminer, c'est les spermatozoïdes qui vont déterminer si c'est un gars ou une fille. La femme ne donne pas au niveau biologique. La femme, elle a donc un corps qui est négatif, pas négatif dans le sens pas bon, dans le sens polarité. Donc, c'est un corps qu'on dira féminin pour faire des relations avec le yin et le yang, parce que c'est amusant. Bon, c'est un corps qui est receveur. C'est ça. La femme, elle reçoit. Au niveau du plan physique, au niveau du plan vital, l'homme a un corps vital qui est négatif, féminin, un corps vital qui est receveur. La femme, elle a par contre un corps vital qui est positif, qui est donneur. Donc, elle n'a pas un corps vital masculin. C'est elle qui donne la vie. C'est ça. Donc, elle sera capable d'avoir suffisamment d'énergie vitale pour engendrer un enfant, donc de donner la vie. De ce fait, la femme vivra aussi plus longtemps que l'homme, l'homme ayant un corps vital négatif. Ici, ce que ça va faire en sorte qu'étant donné que le mâle a un corps vital négatif, il sera en recherche d'énergie vitale régulière. Et chez l'animal humain, une bonne façon d'échanger de l'énergie vitale, c'est par la relation sexuelle et l'âge. Donc, du point de vue vital, l'homme est déjà en quête de l'énergie vitale de la femme. Mais il se retrouve quand même perdant, vitalement. Au niveau de sa vie, oui, puis au niveau du corps, des structures vitales, non. Il y a des nuances là-dedans, puis c'est un peu long de rentrer à ce niveau-là. Ce qui arrive ici, au niveau du plan astral, la psychologique, l'homme a un corps astral qui est donneur, positif. La femme a un corps astral qui est négatif, qui est receveur, qui est féminin. Ça veut dire que l'homme va avoir la capacité de gueuler, de crier, de t'approcher. La femme, elle aura la capacité, elle est en besoin astralement. Elle est receveur. C'est ça. Exact. C'est pas génial. De ce fait, la femme aura besoin d'un gros bonhomme qui sent, puis qui est fort, puis qui peut t'approcher. On parle évidemment de toute l'histoire de l'humain. Là, mais ou qui peut acheter des fleurs, on peut le faire de l'autre côté aussi, c'est donneur. Non, l'homme n'achète pas des fleurs, l'homme il achète des fesses. Oui, mais en tout cas... Il donne des fleurs à sa femme pour les avoir. Sa femme reçoit des fleurs. OK. C'est ça, c'est qu'émotivement, la femme, elle aura besoin de l'amour de l'homme, donc de son énergie astrale. Elle aura besoin de la sécurité de l'homme, elle aura besoin de la valorisation de l'homme. Bref, il y a tout un paquet de mécaniques qui vont arriver ici, que le mâle peut donner et que la femme aura besoin. Donc, la femme sera sans arrêt à la recherche du mâle, pas pour avoir des relations sexuelles, mais pour être sous son bras. Puis l'homme va être sans arrêt à la recherche de la femme pour avoir son énergie vitale. Au niveau du plan mental, ce qui va se développer un peu plus tard dans l'histoire humaine, au niveau du plan mental, l'homme est négatif, receveur. La femme est positive, donc donneuse. Ça veut dire que la femme va être capable d'engendrer l'esthétisme. La femme va être capable d'engendrer l'obligation d'améliorer le monde. Alors, elle va dire au bonhomme, écoute, la chaise est cassée, répare-la. Mais le bonhomme, il ne réparera pas la chaise. Il peut dans la maison, le bonhomme, il ne réparera pas le trou. L'homme n'est pas un être vaillant. Il est batailleur, OK, mais pour faire des choses, la femme est beaucoup plus, va beaucoup plus motiver le mâle. On parle toujours de l'histoire de l'humain jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont de plus en plus androgynes, des hommes de plus en plus androgynes, donc il y a des femmes qui ont moins besoin du corps astral de l'homme. Il y a des hommes qui ont moins besoin du corps vital de la femme. Donc, on compare pas ça aujourd'hui. Je vous parle de l'humain en général. Puis, à l'échelle planétaire, la majorité des autochtones planétaires sont comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme va dire à l'homme, tu répares la chaise. L'homme, il dit non. Et la femme va dire, tu répares la chaise, tu veux qu'on couche à soir ensemble. Le gars, il répare la chaise, il rajoute même une patte de plus. Bon. Alors, la femme va donc mener l'homme par le bout du nez. L'homme va faire le gros théâtre avec sa femme en public. Parce que la femme, elle est nourrie de ça. Et ils vont coucher ensemble à la condition que l'homme donne à la femme ce que la femme veut. Maintenant, ici, ça crée une salubrie, c'est que la sexualité a commencé. Ça crée des mécaniques qui sont biologiquement essentielles, étant donné qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'homme et dans la femme à l'époque. C'est que si la femme n'a pas besoin de l'homme, elle ne fera pas d'enfant. Parce qu'il n'y aura pas de relation sexuelle. Il n'y a pas d'intelligence. À l'époque, ils ne savent pas qu'il faut qu'il y ait une relation sexuelle pour avoir un enfant, pour être capable d'engendrer des corps physiques qui vont remplacer les corps vieillissants, permettre la réincarnation. Si l'homme n'a pas besoin du corps vital de la femme, lui non plus, il ne fera pas de relation sexuelle. Fait que la femme est obligée de donner son corps à l'homme en échange du corps astral de l'homme. Ça fait en sorte que les deux vont donc avoir des relations sexuelles et ça va engendrer, dans la majorité des cas, des bébés. Bon. Le bébé a l'avantage, le bébé, premièrement, c'est plissé, c'est gluant, c'est bizarre. Alors, il fallait que la femme soit suffisamment en besoin émotif pour être capable de trouver ça beau, un bébé, puis de l'aimer. Parce qu'un homme, bébé, écoute bien, ça change, là. Il y a de l'androgyna qui se crée au niveau des psychologies. Mais à l'époque, un homme, il fait des bébés, puis il n'a rien à faire des bébés. La femme s'occupe des bébés parce que la femme a, avec l'enfant, la capacité de se nourrir astralement. Bon, alors le bonhomme, il fait le bébé à une femme, puis la femme, elle le laisse en paix. À l'époque, c'était souvent comme ça, faisait un petit, et réglé. Alors, le marin, l'homme, pouvait se promener d'un port à l'autre, puis il y avait un paquet de femmes. La femme, elle l'aimait, même ça savait, puis c'est pas grave. Il fallait qu'il fasse un petit. La femme avait besoin d'un bébé. Donc, l'homme est obligé, de par sa structure animale planétaire, de courir après la femme, qui elle aussi aura besoin de l'homme. Ça va mettre des bébés au monde, la femme va se nourrir du petit, le gars va se nourrir de d'autres femmes, parce que la femme, elle est menstruée une fois par mois, le gars, il est menstrué une fois par heure, bon. Ça, c'est l'explication énergétique ici des mécaniques. Mais là, quand ça commençait en Lémurie, c'était pas tabou, la sexualité? Ben non, il savait même pas ce qu'il faisait. Mais c'est parce que il y avait un peu de vent, paf, puis il y avait un petit, c'est vrai. Quand est-ce que ça a commencé à être tabou, à ce que les humains en fassent tout un plat? Ben ça, c'est une autre histoire qui est très longue. C'est au niveau de l'inhibition. C'est qu'à un moment donné, l'intelligence qui descend à travers l'humain l'inhibe au niveau de la matière, l'inhibe au niveau de la sexualité pour l'obliger à se développer au niveau du plan spirituel. À un moment donné, il va l'inhiber au niveau du plan spirituel pour l'amener à se développer au niveau du plan mental. Fait que c'est une autre histoire. C'est pas intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. Comment ça se fait, vu qu'en apparence, c'est l'homme qui a le plus besoin de sexualité, que c'est... Il y a plus de sexologues féminins. Oui, c'est un. Une autre question. Comment ça se fait que, du côté artistique, par exemple, c'est, en ce cas, rarement, il me semble, il y a des hommes qui sont habillés de manière aussi sexy que les femmes. Les femmes ont plus tendance, surtout au niveau artistique, là, à se servir de l'élément sexuel. Je pense à certaines chanteuses que je n'aimerais pas, qui n'ont pas de voix, selon moi, mais qui ont du succès. Parce que ça s'habille pas trop. Puis, il me semble qu'il y a moins d'hommes qui. Ou l'homme aurait moins d'effet à faire ça. C'est parce que ça s'habille, en tout cas, parce que ça. Et là, il reste caché. C'est que c'est les femmes qui provoquent, on dirait, puis pourtant, ils en veulent moins, théoriquement. Donc, ils veulent moins de sexe que l'homme, puis c'est elles qui vont faire le. Au niveau des structures psychologiques, pour la majorité des femmes, à l'échelle planétaire, c'est que la femme, elle a besoin de s'aimer. Elle est astralement, psychologiquement, elle est négative, donc elle a besoin de l'amour de l'homme. Puis l'homme, historiquement, a la capacité d'aimer une femme uniquement s'il peut coucher avec. Et donc, c'est d'être désiré. Voilà. Donc, si la femme n'est pas désirée par un homme, c'est qu'elle ne peut pas s'aimer. Fait que la femme s'est donc arrangée pour être désirable par l'homme. Nécessairement, inconsciemment, à travers le temps, elle s'est adaptée, elle s'est martyrisée, finalement, pour être belle. Pour être belle, il faut souffrir. C'est typiquement féminin. Les corsets, là, ils sont quatre à tirer là-dessus pour la... Bon, après ça, de la drapine dans l'œil pour dilater les pupilles, même si ça te rend aveugle. Le blanc de plomb, le blanc de prusse, même si ça t'empoisonne tes blancs, les ventes. Toutes les paquets de conneries. Les souliers à talons hauts, c'est la même chose. Pour sortir les fesses, sortir les seins, ça te défait la colonne, ça te défait les pieds. Le maquillage, etc., pour être plus naturel. C'est-à-dire que tu ressors tes lèvres, le gars, il aime ça. Les soutiens-gorge avec, tu rembourrages dedans. Il y a tout. Il y en a ici qui en ont. Mais tout ça uniquement parce que la femme, elle a un besoin d'être appréciée par l'homme et là, elle peut s'aimer. Alors la femme va dire non, je me maquille pour moi. C'est vraiment faux. C'est-à-dire qu'effectivement, si les gars la regardent, elle s'aime. Mais elle ne recherche pas le viol. Mais ce qui va arriver, évidemment, c'est qu'à un moment donné, elle s'organise pour être aimée, elle est désirée, puis le gars qui a désir, bien, il a désir. La viol. Bon. Puis après ça, bien là, c'est sûr que ça crée des problématiques. Mais là, évidemment, il y a des femmes aujourd'hui qui... il y a un paquet de choses sur lesquelles on va passer, vu que c'est une sexualité énergisante et non pas une sexualité animale. On pourra... C'est ça, on n'en restera pas tout le temps là-dedans. On va faire d'autres choses. Mais je veux dire, c'est pas intéressant ce que tu parles là, de vivre cette sexualité-là en animal. Non, j'en ai pas. Il y en a qui n'ont pas l'air d'accord. Non, pas ce que tu dis, mais le vivre. Vivre, bon, c'est ça. Alors, il doit avoir un débouché. Est-ce que l'homme nouveau va vivre? Charles, ici, m'a déjà interviewé une fois ou deux. Puis tous les intervieweurs qui m'ont interviewé quand on a parlé de sexualité, à un moment donné, je leur ai expliqué la sexualité de l'homme nouveau, où il n'y a pas besoin de relations sexuelles, etc. Puis tous les intervieweurs, comme Charles avait dit, en tout cas, j'espère que ce n'est pas pour demain. Ils pensaient tous faire une farce. Mais ils faisaient tous une farce, mais... ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, le mâle a peur du jour où il n'aura plus besoin de coucher avec une femme. Parce qu'il se dit « crime, ça va être plat ». Et comment, si ça vous tente plus, ça ne sera pas plat. Et si ça tente, puis que les femmes, ils ne peuvent plus, ils sont plus bonnes, il n'y a plus tout, plus rien, peut-être que là, tu vas souffrir, mais ça ne te tente plus. Alors, tu sais... Oui, mais c'est un jour, j'ai plus le goût de boire. Ça va être plat. Mais non, t'as plus le goût de boire. C'est réglé. L'être humain va se diriger de plus en plus vers une sexualité énergisante. Puis le problème, c'est que sexualité, c'est un terme qui est dangereux. Chez l'animal humain, la façon la plus évidente pour échanger de l'énergie vitalo-astrale, vital et astrale, c'est par la relation sexuelle, malgré les effets secondaires évidents. À un moment donné, donc, on parlera de sexualité, en ce sens que c'est la façon d'échanger de l'énergie. Chez l'être humain qui s'androgyne, androgynie, chez l'être humain qui se conscientise, plus ça va, moins ça passe par la relation sexuelle. J'ai déjà dit que chez l'animal humain, le sexe, c'est la première lettre d'une phrase. Puis chez l'être nouveau, le sexe, c'est le dernier point au bout de la phrase. Bon. Ça n'est plus une nécessité pour avoir un enfant, OK, mais plus ça va aller, moins l'être humain qui se conscientise aura besoin de relations sexuelles. Il sourit déjà. C'est parce que j'imagine comment on va faire des relations sexuelles en se servant notre tête. Mais... Parce que là... chum a une question? Dans l'intelligence, dans la sexualité énergisante, je vois plus, dans ce que tu dis, un échange, une belle discussion, peut-être un massage, mais en descendant. C'est-à-dire qu'en commençant par avoir une belle relation d'intervention, qu'il n'y a pas de sexe, qui pourrait se faire entre un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, ou peu importe, parce que c'est une nourriture de dialogue ou d'échange intelligent. Puis là, j'essayais d'associer ça avec la sexualité, puis je me disais, comment ferait-on l'amour avec sa tête, seulement. Mais c'est de là que ça part. Rendez-vous dans un métro une fois, là, il allait par là. Mais avant, il n'y avait pas de ça, il y avait la relation sexuelle, point. Il n'y avait pas, l'homme n'était pas fort, c'est préambule. Justement, c'est évident, tu sais, faire l'amour, ça n'a rien à voir avec le sexe. Et c'est comme ça. Puis à peu près toutes les relations de couple sont basées sur les problèmes sexuels. On est rendu qu'on a des sexologues, on a une science complète basée sur à peu près 8000 cellules, tu sais, les parties sexuelles du corps. Alors que tout le cerveau et tout l'humain au complet, puis l'humain est basé sur le sexe. C'est une vraie farce. Bon, passons là-dessus, là, mais ça, c'est un phénomène intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain a un corps vital qu'il doit nourrir. Il peut l'alimenter légèrement à travers une relation sexuelle actuellement. Il peut alimenter son corps vital en mangeant convenablement, en prenant du soleil à l'ombre, en vivant, enfin en jouant. Le corps vital, on l'alimente énormément en jouant. Quand je parle de jouer, là, s'amuser. Dans s'amuser, c'est un peu précis, parce qu'on peut jouer au hockey sans s'amuser. C'est des joueurs, on peut jouer puis perdre aussi. En s'amusant. Bon. Le corps astral, c'est une mécanique extraordinairement importante qui permet la consolidation du corps mental qui, lui, va recevoir l'intelligence de l'humain, donc ce qui va se conscientiser, et ça permet de recevoir l'intelligence pré-mentale en appui sur le corps vital, sur le corps physique. Autrement dit, le corps astral, l'âme pure, permet à l'être humain de devenir intelligent et de finir par contrôler les mécaniques qui le limitent actuellement et finir par accomplir sa fonction. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que dans l'âme, il y a de la mémoire, il y a de l'ego. L'ego, c'est un problème. Les relations sexuelles de l'animal humain nourrissent surtout l'ego et les dieux. Ça nourrit presque pas le corps astral, un petit peu. La femme, elle a besoin de nourrir son corps astral. L'homme a un corps astral qui a besoin, un peu moins besoin d'être alimenté. Bon, l'homme a besoin d'alimenter son ego plus que la femme souvent. Il y a des différences, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que l'être humain a besoin, à la base, d'une sexualité pure, uniquement parce que par la sexualité, il va nourrir énormément son corps astral. Un corps astral qui manque d'énergie va aller gruger dans le corps vital et ça va engendrer des maladies physiques. Ou bien il va gruger dans le plan mental et ça va faire en sorte que l'individu comprend moins sa vie. Il peut aussi réfléchir. Il n'est plus dedans. Donc, il va être malheureux s'il puise au niveau du corps mental et lentement, la personne va vivre une dépression énergétique ou des problématiques, par exemple, devenir agressive, etc. Là, tu parles d'une sexualité nouvelle, là. Quand... Je parle des besoins, de l'utilité de la sexualité chez l'humain actuellement. Ça sert à nourrir le corps astral. Ça veut dire dans quoi? Un sens, c'est mieux que d'aller gruger effectivement. Dans son plan mental. Donc, oui, l'homme est mieux, et la femme, d'avoir des relations sexuelles, même si ça nourrit à peine, que de se détruire physiquement. Donc, on peut dire qu'une relation sexuelle, c'est bon pour la santé. Autant mental que physique. Sauf que l'humain, dans la relation sexuelle animale, c'est-à-dire dans la relation sexuelle physique, c'est à peine s'il va se nourrir. À peine. Donc, il faut qu'il recommence régulièrement. Puis même là, il y a de la difficulté à aimer, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de respect. Puis là, on se fait tout un paquet de scénarios de si, puis on suit des cours, puis on lit des livres, puis on regarde des photos, puis en tout cas, bon, c'est tout ça du tout, là. Non, mais c'est ça, justement, ça peut facilement entraîner de l'astral, attirer de l'astral. Mais tu nourris l'ego énormément avec un peu de nourriture de ton corps astral. Pour nourrir le corps astral, l'être humain a besoin d'aliments. Dans les aliments qu'il a besoin pour nourrir son corps astral de façon à maintenir sa santé psychologique en état, puis un corps astral bien alimenté vous permet de vous conscientiser. Antérieurement, le tantrisme permettait de nourrir le corps astral, mais aujourd'hui, le corps astral est à une longueur de vibration qui est au-delà du tantrisme. Le tantrisme ne nourrit plus. Mais avant, le corps astral était très bas. Le tantrisme pouvait l'alimenter. Donc, on a l'amitié qui va nourrir énormément le corps astral. Mais chez la femme, souvent, l'amitié va nourrir. Alors que chez l'homme, l'amitié va nourrir l'ego. Plus que le corps astral. Souvent chez l'homme. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand on parle de sexualité énergisante, il faut arriver à trouver une mécanique sexuelle qui va nous permettre de nourrir le corps astral en nourrissant au minimum l'ego, donc en permettant la négoïsation, ce qui va permettre à l'être humain de rester intelligent, donc de rester esthétique, donc de rester respectueux et respectable. Pour comprendre la nourriture du corps astral, il faut comprendre un peu plus ce que c'est le corps astral. Ça va expliquer un paquet de déboires chez l'humain. Au niveau du plan physique, si vous mangez des bananes, petite relation que... mangez des bananes sans arrêt, ben, veut pas, à un moment donné, vous allez finir par être malade, ben non, vous allez ressembler à un singe. Ah, c'est peut-être ça qui arrive. Oui. Oui. Bon. Si vous mangez uniquement des bananes, vous allez finir par avoir des carences alimentaires et vous allez être biologiquement malade, faible. Ça peut engendrer la nervosité, les dépressions, ça peut engendrer un paquet de phénomènes. On doit avoir une alimentation variée. Au niveau du plan astral, si vous rencontrez un homme ou une femme et que vous vous nourrissez uniquement de cette personne-là, c'est évident qu'au niveau astral, vous allez finir par avoir des carences. Donc, vous allez finir par être malade. De ce fait, vous allez essayer de vous nourrir un peu plus, manger plus de bananes. Alors, vous allez avoir plus de relations sexuelles, par exemple, avec votre conjoint ou conjointe ou votre ami. Mais à un moment donné, c'est plus suffisant. Mais c'est ça le danger, parce qu'il y en a plusieurs qui, à ce stade-là, vont attirer justement de l'astral qui est de moins bonne qualité au niveau de la sexualité. Là. Oui. Mais là, ce qui va arriver surtout, c'est que si on est en couple tous les deux, après 5, 6, 7 ans, il y a des chances que je m'amourage d'une autre femme. Mm. Là, je vais dire, oui, mais tu ne m'apportes plus. C'est évident. Je suis sevré de son énergie. Fait qu'elle ne peut pas m'amener ce qu'elle n'a pas. Par contre, une nouvelle femme, elle est pétillante, elle a ça, c'est une pomme. C'est évident que la pomme, c'est différent. Ça me semble que... Et là, c'est le gros problème, puis les religions vont bien te spécifier, de ne pas courir d'autres. Plus tu auras un corps astral carencé, plus les dieux vont être contents. Bon. Pourquoi? Parce que si tu as un corps astral en bon état, ton mental va se développer, tu vas te conscientiser. Mais pas juste les religions qui disent ça, ma femme aussi. Ça doit être une ancienne sœur réincarnée. Ah, je sais pas, m'animer, manipuler. Alors, ce qui arrive, c'est que nécessairement... Non, mais c'est parce que l'homme est pas... Moi, d'après moi, l'homme n'est pas rendu assez intelligent, puis je m'inclus là-dedans, là, pour...